On vit, on meurt, pas plus voleur qu'Aladin. J'avance en baladeur, chante pas la peur, ça serait dire que chante pas la peinte. Suffit d'un triste accord des notes. Les fleurs sont des junkies, car les jonquilles se nourrissent du corps des nôtres. Moi, mon avenir, j'ai écrit, peu souffre. 22 piges, j'ai fini les bougies, j'éteins mes bougies avec un triste souffle. Je vois des putes conquises quand la saucisse fourre le chou. Le seul but qu'on vise, profiter de la vie au jour le jour. T'es né pour pourrir dans une tombe. À y repenser, on aurait préféré mourir dans une trompe. Certains chialent pour un bout de ventre. Si le temps est une écharpe, la vie est une écharpe. La mort balaye en un coup de vent, faire du bise. Avec des bâtards calibrés, un traquenard tarifié te fait sentir la patate arriver. J'ai vu des cadavres, ça dit vrai. Des balafres, des pare-chocs sur le platane. J'ai mal à voir le Qatar salivé pour du bif. On se tire nous-mêmes dans les pattes. Les grands incitent les petits au mal. Ne me dis pas que tout baigne dans les bacs. Des coups de bouteille pour des tags. Hardcore poupée, l'argent a mis des corps dans des poubelles. Trouées de balles pour que tu vives. Faudra être fort, que tu te barres où la foi mène. Que tu te battes contre toi-même. Que tu suives la lumière vive. Que tu réussisses ce test. Que tu n'oublies pas ce que t'es quand ce que t'aimes se taise. Vivre, ils sont tragiques à pousser des coudes. L'alcool c'est la rico magique qui fait pousser des couilles. Je vois le soleil casser les gouttes. Je rêve pas de rap mais d'embellir mon âme. Et je reste vrai car mon passé m'écoute pour le pire. On se battra jusqu'au bout. T'as pas la pousse le boule. Marabout, t'as qu'à la pousse le boule. Tout s'empire. Bois tes verres mais reste droit. Ne crois pas que l'homme froid et fier ne se déteste pas. L'envie d'écrire. Si tu captes pas, y'a pas de légende. J'parle de rap, pas tes chants. Nurovis qui abattent les gens. Taper des poutres, best en tête. Les potros qui disparaissent, c'est plus de la coke, c'est de la poudre des scampettes. Lire, apprendre à purifier son âme. La justesse du tir se résout si la balle a pu briefer son arme. Tout dépend de celui qui la tient, de ce qu'il vit, de son intention, de ce qu'il vise et de ce qu'il atteint. J'vis ma vie au jour le jour et c'est pas tout de le dire. Mais quand l'amour embrasse ma joue, j'me fais tout petit. J'donne mon cœur à mon crâne et les ailes. Et si elle-même, elle prendra le risque de se cramer les siennes. J'puise mon inspiration dans la pureté d'un doute. Ferme les yeux, suffit de prendre en considération la beauté d'un tout. D'instinct paternel, ça serait mentir de dire que j'ai rien d'impair. Vivant dans le sceau de la mort, depuis que je vis, j'n'ai rien à perdre. J'n'ai plus peur que l'amour me morde. J'connais mes valeurs, si j'meurs, que la bravoure me borde. Oui, c'est le vent que mon bouquet fleure. Doux rêveur, je vois souvent moins de chaleur en l'humain que dans un bouquet de fleurs. Faudrait qu'on se libère de tant de chaînes. Sans que je vide mon verre, que je puisse leur dire que je suis fier des gens que j'aime. Si je devais laisser un dernier souvenir, une larme et un sourire, un poète côtoie le bonheur à en souffrir. Vivir al salto de mata, una vida mía, ya sabes de quién vuelto trata. Sentir el falto de plata, esperan que vuelve la suerte disuelto par la rata. Vivir al salto de mata. Una vida mía, ya sabes de quién vuelto trata. Sentir el falto de plata. Tía nunca había revuelto, me ha robado mi pata. Vivir a salto de mata. Sentir el falto.